beaucoup mieux comme ça. Ma décision, elle est prise. Laïla, Laïla, il vaut mieux là qu'on en reste, sans trop chercher le pourquoi, avant que l'on se déteste. Laïla, Laïla, à quoi bon s'entêter, se raccrocher à plus rien, à faire semblant de s'aimer, quand sont là tous nos copains. Laïla, Laïla, malgré toutes les tentatives pour nous sortir de la crise n'ont pas été constructives. Laïla, Laïla, à se dire des bêtises, à se reprocher des fautes, tous les mots qu'on dramatise. Laïla, Laïla, à quoi bon continuer, à se démolir comme ça, à ce jeu-là je suis fatigué, demain je ne serai plus là. Laïla,